Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast quasi mensuel de La Cellule avec aujourd'hui un nouveau hors-série sur les ombres d'Estérren. Et pour présenter les ombres d'Estérren, on est avec Valentin. Valentin, bonjour. Ça va ? Bonjour, ouais, ça va très bien. Ouais. Tu commences à t'habituer un peu à ces micros, toi. Ouais, ça y est, ça commence à venir là. Et on est aussi avec Nelian. Nelian, ça va ? Salut à tous, ça va très bien. Donc t'es en speed parce que t'as plein de dédicaces de ouf à faire. Eh oui, donc excusez s'il y a des problèmes sonores, mais il y a une organisation un peu compliquée là. Hein. Ouais, en gros le micro est planté au beau milieu d'une table et il doit parler dedans. D'ailleurs il faudrait que quand tu parles dans le micro, que tu t'en rapproches un tout petit peu encore. Est-ce que là ça va? Ouais, là voilà, là ça va être nickel. Et voilà, il faudrait que les auditeurs aient l'image. Ah ouais, aussi, c'est magnifique. Parce que c'est quand même assez dantesque. Là, ouais. Extraordinaire de le voir sur ce micro, fièrement dressé au milieu de cette table. Enfin bon, bref. Donc on est quand même là pour parler des ombres d'Estérren, je le rappelle. Alors les ombres d'Estérren, qu'est-ce que c'est, Valentin? Les ombres d'Estérren, en fait là on est face à un jeu de rôle médiéval à tendance horrifique et gothique, source d'inspiration, l'appel de Cthulhu, Sleepy Hollow et d'autres sources d'inspi qui contribuent à poser une ambiance assez glauque, assez obscure. Et qui va offrir à tous les vaillants joueurs qui pénètrent ces ombres de se confronter à des situations assez particulières. Alors quand on parcourt la base, ce qui nous frappe, c'est un espèce d'univers, on va dire druidique, gaulois, celtique. Ouais, il y a une grosse base tradie sur la péninsule où se déroule l'action, effectivement, qui est très inspirée du celtique, druidique, gaélique, avec effectivement des fondamentaux très traditionnalistes, animistes, vouant des cultes au lac, au marais, à la forêt, aux différents esprits de la nature, quoi. Hein. Ok, ok. Et par contre, le fantastique, alors, par contre, dans les illustrations, quoi que ce soit, on ne l'aperçoit que très très peu, voire de pas du tout. De façon assez subreptitive. Oui, alors, et c'est vraiment l'idée, là, en tout cas dans les premiers livres, c'est de rappeler que la chose existe, quelque part, tapis dans l'ombre, de manière un peu latente, prête à bondir, d'une certaine façon. D'accord. Mais bon, c'est pas non plus le premier truc que vous voyez en ouvrant vos volets le matin. D'accord. C'est quelque chose qui va plutôt s'imposer à vous de façon un peu violente et inattendue. D'accord. Donc si c'est quelque chose qu'on illustre trop ou dont on parle trop, ça un petit peu dédramatise la chose, quoi. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on voit tous les matins en ouvrant nos volets, alors Valentin? Plutôt dans les ombres d'Estérren. Alors, il faut imaginer que c'est une société surtout majoritairement quand même rurale. Bon, pour figurer très simplement, pour que nos auditeurs aient des images, c'est quelque chose qui ressemble assez à la Grande-Bretagne. D'accord. Donc c'est sauf que là, faut imaginer une Grande-Bretagne qui serait rattachée au continent, parce que là on est sur une péninsule. Donc c'est quand même quelque chose d'assez vaste, assez montagneux, rocailleux, climat rude, aride. Des saisons hivernales assez interminables qui obligent les différentes populations vivant dans des petits villages assez repliés sur eux. Voilà, c'est D'accord. quelque chose d'assez difficile malgré tout. Il y a quand même aussi une vie et un développement urbain et citadin cantonné effectivement à quelques grandes villes, mais assez développé aussi. Hein. Ok, d'accord. Alors si tu devais nous parler un petit peu de l'univers Nelian. Comment est-ce que tu le décrirais, cet univers? Parce que toi, tu es l'illustrateur, en fait, des Ombres d'Estérren. Est-ce que tu es l'unique illustrateur ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Non, non, c'est un jeu où on a accès sur le visuel pas mal. On est 6 illustrateurs au total aujourd'hui, mais au final, sur le projet, il y en a même un peu plus qui ont participé tout au long de la vie du projet. D'accord. C'est vrai qu'on a essayé de travailler l'univers graphique. Bon, en fait, aujourd'hui, j'ai plus le rôle d'auteur par la force des choses. D'accord, ouais. C'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps avec mes camarades de jeu à déterminer un peu une esthétique pour le jeu. D'accord. Qui rejoint un peu ce que disait Valentin sur une dimension horrifique, mais qui est pas... Donc, où est-ce que l'horreur se ressent dans les illustrations de la base, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses qui sont cachées En fait, le livre de base, enfin le livre 1, univers, on est vraiment... Et ça, c'est un parti pris, parce qu'au début, quand même, et ça le reste d'ailleurs, ce projet qui est mené par le collectif Forge Songe, qui est une association, on est dans un projet qui est... porté par des rôlistes passionnés, par des illustrateurs qui ont envie de se faire plaisir. Mmh. Alors on est contraint par les lois un peu du marché, hein. Si les bouquins se vendent pas, on peut pas faire la suite. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a pris le parti de développer un jeu un peu sur le long cours. En l'occurrence, dans un premier temps, et c'est un peu notre conception de l'horreur, c'est qu'on va développer un univers sobre, une certaine forme de sobriété. Pour moi, véritablement la référence de base là-dessus, c'est Shining, c'est Stanley Kubrick. C'est-à-dire qu'on est d'abord dans quelque chose. Mais Shining, c'est quelque chose de plus contemporain, en fait. Ouais, mais dans l'idée de la question du fantastique, de l'horreur, comment c'est amené, c'est vraiment la référence. C'est-à-dire qu'au début, enfin, c'est quand même un peu bizarre dès le début, mais il n'en est pas moins qu'on a un gars qui va prendre ses vacances. En fait, c'est des paysans qui rentrent des champs tranquillement, ils vont s'abriter dans une grange et puis la nuit, alors qu'ils s'y attendent le moins, les ombres vont surgir et c'est ça l'idée. Voilà, c'est ça l'idée, et peut-être qu'elles vont surgir et en fait que ce n'était que des ombres. Et le but, c'est de jouer sur il y a une tension mais on sait pas trop quand ça va surgir. Et la question de l'horreur, c'est vraiment cette dimension où on a un environnement classique, un environnement vraiment où les joueurs se sont habitués à évoluer dedans. Et c'est vrai que à partir de là, c'est là que l'horreur va pouvoir un peu déchirer cette habitude. D'accord. Que les gens Alors du coup, est-ce que c'est un jeu d'horreur ou est-ce que c'est un jeu fantastique? Sachant le, tu vois, parce que si tu me dis que l'horreur est subrepticement intervient, ne se laisse, on peut toujours douter que c'est qu'il y a eu quelque chose de paranormal ou de fantastique. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est plutôt du fantastique? Enfin, ça reste un jeu médiéval fantastique. D'accord. Si ce n'est qu'on pourrait entre guillemets le classer dans la low fantasy par plusieurs aspects, mais on est dans un jeu qui est fantasy, fantastique de manière réduite, mais c'est vrai que c'est une partie prenante de l'univers, mais on a plutôt voulu insister sur le côté horrifique et gothique entre guillemets de l'univers plutôt que son aspect médiéval fantastique. Alors son aspect gothique, Valentin, tu veux nous en parler? Pourquoi gothique et médiéval et horrifique? Pourquoi tous ces mots associés ensemble? C'est quelque chose qui contribue à l'esthétique du jeu. D'accord. À son ambiance d'une manière générale, mais c'est vrai que l'aspect esthétique est quand même très important. Il suffit de feuilleter les bouquins pour s'en apercevoir. Dans la mesure où les images en esthérène constituent quand même un bon point de départ pour les émotions. D'accord. Ça participe, ce que tu vois, ce que tu ressens, c'est quelque chose de très lié. Et effectivement, l'expression gothique va surtout trouver son apogée dans les ombres d'Estérène à travers la magiance, d'une certaine manière. Qu'est-ce que c'est que la magiance? Alors, c'est une faction, on peut dire, dans les ombres d'Estérène, qui développe un courant de pensée, une idéologie qui voue au progrès et à la science une absolue vénération, quoi. C'est des genres de super positivistes. Si tu veux, voilà, eux, ils vont partir du principe que l'humain ne peut pas survivre face à tout ce qui l'accable sans être un tout petit peu optimisé d'une certaine manière. D'accord. Et leur optimisation, chez eux, elle va passer par l'élaboration de toutes sortes de mécanismes, de structures, de rouages, d'assemblages animés par une sorte de carburant qui est le flux. Qui sera quelque chose de sorte de pétrole, hein, de carburant qui vont raffiner soit de sources végétales, minérales, voire même organiques, qui vont leur permettre ces différents carburants d'animer toutes sortes de choses. Alors ça peut aller de l'animation d'un objet tout à fait basique, contribuant, une machine à vapeur divers, à faciliter le quotidien, qui est quand même pas forcément le plus réjouissant, et ça peut aussi prendre des directions plus extrêmes aboutir à des résultats expérimentaux, des hommes qui ont été amputés à qui on met des bras mécaniques, sans pour autant, on le voit dans les illustrations, sans pour autant que ça tombe dans le steampunk ou pas trop non pas voilà trop. Ça après, reste Ça reste des artificiers au sens de Magic l'Assemblée artificiers. Alors après, bruts, évidemment, chacun peut imaginer d'aller très très loin dans le clip et d'aboutir à effectivement. T'imaginais carrément une espèce de Frankenstein ou... Pourquoi pas ? D'accord. Pourquoi pas ? Et là, l'horreur reviendrait. Justement, enfin, t'évoques le mythe de Frankenstein. C'est vrai que par rapport à l'univers gothique, c'est l'un des aspects. Mmh. On est avec le mythe de Frankenstein et le bouquin de Mary Shelley dans vraiment quelque chose aujourd'hui qui nous a inspiré. Maintenant, c'est vrai que la dimension gothique, elle se retrouve aussi beaucoup dans l'esthétique. Et moi, j'insisterai sur le fait que notre référence majeure avec les illustrateurs, c'était du Friedrich, c'est le romantisme allemand, c'est tout l'homme face à la nature. D'accord. La dimension gothique du jeu dans les ombres d'Esterhazy, c'est alors bien sûr qu'il y a un peu la dimension les cimetières, les églises, mais avant tout c'est la dimension gothique, c'est l'homme face à la nature, face aux éléments, face à l'immensité. Il y a cette dimension là et on essaye de traiter ça à travers le jeu, et effectivement en reprenant aussi certains mythes fantastiques gothiques d'horreur comme le Frankenstein, le loup-garou, le vampire, qu'on va essayer de retravailler, retraiter à l'aune un peu de notre jeu, et de manière je ne sais pas si on pourra dire ça sera pas innovant, mais avec un traitement en particulier. D'accord, ok. Moi, c'est un truc qui me vient en tête à chaque fois qu'on me parle des ombres d'Esterhazy, c'est Sleepy Hollow. Est-ce que j'ai raison d'imaginer ça comme ça? Oui, t'as une assez petite raison, bourgade isolée. Ouais, c'est un peu ça, une bourgade isolée, sûre de ses convictions. Sleepy Hollow. Voilà. C'est un peu effectivement quelque chose qui représente bien les ombres d'Esterhazy dans une société qui s'observe, qui se scrute, qui est très attentive à toutes sortes de manifestations plus ou moins bizarres, et où à un moment donné le plus grand danger de ces populations, c'est d'abord leur peur. D'accord. Et qui va peut-être les pousser d'ailleurs à toutes sortes d'actes et d'actions et de choix qui vont les condamner bien au-delà de ce qu'elles craignent pour de vrai, quoi. D'accord. Alors est-ce que vous pourriez un peu nous présenter les objectifs des ombres d'Esterhazy en termes de ressenti, c'est-à-dire qu'est-ce que le joueur est amené à ressentir, qu'est-ce que vous voulez transmettre avec ce jeu, en dehors des, au niveau émotionnel, et puis après peut-être au niveau des messages. En deux mots, moi c'est parce que je suis l'auteur. Tu du peux scénario. Développer davantage. La cellule, c'est un vilain blog prise de tête, sponsorisé par Eferalgan et tout. Donc tu d'accord, peux y aller. D'accord, hein, ok. Si tu veux rentrer dans plaisir, le, non, détail. Si tu veux rentrer dans le détail, tu peux le faire. Bon, c'est vrai que j'adore le jeu de rôle et tout ça. Et c'est vrai qu'en écrivant pour les ombres d'Esterhazy, il y avait aussi derrière quelques partis pris au niveau scénaristique, au niveau de l'écriture. Notamment sur le JDR Magazine dont on a fait le kit de démo cet été. Ouais. Il y a un scénario à l'intérieur qui s'appelle Logvarn, que j'ai mis un certain temps à écrire, beaucoup de playtest, vraiment quelque chose de longue haleine. Ouais. Et ce scénario-là, pour moi, il apportait plusieurs choses qui résument un petit peu les partis pris des ombres d'Esterhazy. D'accord. On est notamment dans un fonctionnement où, en fait, si tu veux, le but, c'était comment traiter l'horreur et la santé mentale dans le jeu de rôle. D'accord. Vis-à-vis du ressenti des joueurs. Tu trouvais que Cthulhu là-dessus était mauvais ou n'apportait pas suffisamment? Non, enfin c'est pas tant ça, si tu veux, c'est que c'est pour moi la différence entre toi en tant que joueur, tu vas savoir que ton personnage a des hallucinations, donc tu vas jouer le jeu des hallucinations. Oui. Alors bien sûr qu'on va faire une partie de jeu de rôle, on va pas avoir des hallucinations. Mais le but, c'était comment un minimum essayer de faire ressentir au joueur quelque chose qui s'approche. La simulation de l'hallucination, quoi. Alors le thème que j'ai choisi, c'était la confusion mentale. D'accord. Et en fait, le parti pris assez simple, ça a été de se dire, voilà, les joueurs. Alors c'est un peu du spoil hein, pour ceux qui veulent jouer le scénar et qui sont joueurs, quittez l'antenne tout de suite. D'accord. Bouchez-vous les oreilles. Maintenant, je ne suis plus responsable. Le but, c'est qu'on est dans un scénario où d'entrée de jeu, les joueurs sont amnésiques. D'accord. En fait, ils sont très perturbés, leurs personnages, ils sont sous l'effet d'une sorte de folie passagère. Le but, c'est premièrement, quand je joue ce scénario, de pas avoir à expliquer l'univers. Genre, dis juste, voilà, les gars, on va jouer à du médiéval, du Cthulhu au Moyen-Âge. Alors, tiens, ça, c'est. Alors, déjà, ils ont pas de feuilles de perso. Je leur donne des feuilles avec des chiffres. D'accord. Et parce qu'ils savent plus qu'ils ont. Et donc, le scénario commence ainsi. Vous êtes autour de vous, c'est une ruine, c'est le noir, il y a des carreaux d'arbalète, des flèches qui filent dans tous les sens, vous savez pas pourquoi vous êtes là, vous savez pas ce que vous faites ici. D'ailleurs, tu vois ton pote à côté, il a les cheveux collés au visage, la sueur, le sang, tu sais pas qui c'est. Enfin si, ça te dit un truc, mais franchement, tu sais pas. D'accord. Il y a une sorte comme ça de dimension où les gens, ils sont plongés dans l'action. Ils direct. Sont plongés direct. In media res, comme on dit. In media res, exactement. L'intérêt, c'est qu'en fait, les joueurs, ils vont jouer ce scénario et après, il y a une sorte de retour temporel un peu à la David Lynch, un truc un peu barré. Mmh. Et les joueurs, en fait, ils vont se rendre compte, ils vont comprendre cette scène en ayant rejoué le scénario entier. Mmh. Et le but, c'est qu'en fait, les joueurs, ce qui est assez trippant, c'est qu'à la fin de la partie, quand ils ont joué cette première scène d'ouverture, ils étaient dans la confusion de leur personnage. D'accord. Ils jouaient pas... ouais, voilà, mon perso, il a raté la santé mentale, il est confus. Non, il comprenait rien. Et les joueurs autour de la table, ils se regardent, ils disent, on fait quoi? Je suis, D'accord. Tu vois, il y a un peu cette dimension de l'épouser. Tu essayes, en fait, de faire en sorte que les sentiments du personnage soient le plus possible proches des sentiments du joueur à ce moment-là. Voilà, que le joueur soit confus. L'expérience de jeu l'a poussé un peu. Voilà, d'accord. Ah. Alors, c'est pour ça qu'en début de Logvarn, il y a marqué, scénario pour meneur expérimenté et interdit à Mireille Dumas. Enfin, non, ça, je l'ai pas mis, mais, non, mais. Non, mais après, non, mais c'est vrai que c'est un scénario qui est assez complexe à mettre en place et où il y a des partis pris. Moi, j'ai, en tant que joueur de gros rôliste, c'est ça qui me fait triper aussi. Quoi. D'accord, ok. Valentin. Mais ouais, je suis franchement, c'est vrai que le parti pris à un moment donné d'essayer d'associer le joueur au personnage dans les émotions, les ressentis. De telle façon à ce que les choix du joueur qui impactent les décisions du personnage forcément à un moment donné se mêlent. D'accord. Ça fait partie vraiment du jeu. Oui, c'est quelque chose qu'on essaye en tout cas d'organiser de la façon la plus efficace possible, la plus facile à mettre en place pour le meneur à travers les scénarios qui sont publiés. Il y a un certain nombre d'aides de jeu et limite de petits encarts qui soulignent. Excusez-moi les gars, mais c'est pas du tout ce qu'on ressent à la lecture ou en tout cas en feuilletant le bouquin des Ombres d'Estérène de prime abord. Mais c'est exactement pour ça, mon Romaric, t'as exactement compris pourquoi on l'a fait comme ça. C'est que le joueur, il va lire son livre de base, il va découvrir un univers médiéval où il y a une menace latente, il se passe un truc et le meneur de jeu, il va le prendre à contre-pied. D'accord, pour moi, c'est aussi ça. Maintenant, vous jouez beaucoup sur l'effet de surprise en fait avec ce jeu. C'est-à-dire que quand on achète le jeu, on sait pas vraiment les joueurs ne savent pas en feuilletant le bouquin ce à quoi ils vont jouer ce soir. C'est exactement, et si tu veux ça reprend pour moi l'idée un peu du mythe de Toulou, enfin disons qu'un peu il y a un univers et puis il y a une espèce de mythe tout. Mais tu vois, quand tu joues avec Toulou autour de la table, tout le monde fait comme s'il allait découvrir le mythe alors que tout le monde le connaît par cœur. Cthulhu, c'est différent parce que c'est éculé comme univers. Mais oui, tout le monde. Mais dans l'idée, dans le mythe de Cthulhu, le but c'est que tu as des investigateurs, et c'est ce que moi j'aime beaucoup aussi, c'est que tu as des investigateurs qui vont être confrontés à l'indicible et qui vont plonger dans la folie en comprenant des choses qu'ils n'auraient pas dû voir ou d'accord. pas. Les personnages des Ombres d'Estérène ne sont pas des investigateurs, sont des pauvres hères sur qui tombe le danger. C'est des héros au sens plus classique du terme, c'est des gens qui vont être confrontés à des choses qui les dépassent et ils vont essayer avec leurs simples ressources humaines, c'est le système de jeu traite ça, c'est-à-dire ils n'ont pas de capacité surnaturelle, mais ils vont essayer d'encaisser des choses extraordinaires et avec leur conviction de passer outre. Donc c'est des personnages effectivement normaux. Mais dans le lien avec l'appel de Cthulhu, c'est que là on est avec des joueurs autour de la table qui, sauf quand le jeu commencera à avoir sa vie, que les secrets sont sortis, etc. Mmh. On est dans un jeu où les joueurs ignorent véritablement le mythe des Ombres d'Estérène, si on veut aller par là. Oui, tout à fait, mais même en feuilletant le bouquin, on a du mal à voir le mythe, quoi, justement. On achète un jeu horrifique et puis on se dit, tiens, c'est marrant, ça a l'air plutôt d'être un jeu traditionnel celtique. Enfin, c'est vraiment assez étrange. Alors, justement, bon, pour tous les enjeux que vous prévoyez pour ce jeu, toute cette le surgissement en fait de la confusion, de l'horreur, etc. Quel système porte toutes ces idées-là? Comment est-ce que par le système vous portez ou pas d'ailleurs cette idée? Est-ce que même le système est à ce niveau-là et comment dire Ça a été un gros travail. Ça a été vraiment un gros travail. C'est vrai que je fais attention. Ouais, c'est la dédicace, Romaric. Je t'ai expliqué que c'était un peu compliqué. Oui. Bon. Alors, mais attends, tu m'entends là. Oui, je t'entends bien. Le système de jeu, on l'a beaucoup testé. Et on avait vraiment à cœur qu'il puisse se rapprocher. On ne sait pas trop si c'est un échec ou une réussite. En tout cas, on a fait du mieux qu'on pouvait. D'accord. Le but, c'était de mettre en avant certains aspects. Et pour te résumer la situation, le système de combat, il fait 3 pages. Ouais. Le système de santé mentale, il fait 20 pages. D'accord, ok. Donc, bon, de toute façon, mettre en place le système de santé mentale, c'était ce qui importait pour vous. Et la création de personnages aussi. Parce qu'on là, à la différence de Cthulhu, on est dans des personnages, enfin dans Cthulhu, ça dépend du meneur, hein. Mais les personnages ne sont pas censés claquer au tout venant. D'accord. C'est des personnages qui vont évoluer, progresser, mais ils seront toujours aussi fragiles. On attend des joueurs qui soient assez prudents. D'accord. Mais il y a une véritable ambition qu'ils puissent progresser. Mais il n'en est pas moins qu'ils restent quand même fragiles. Et au niveau du système de jeu, c'est vrai que ce qu'on a essayé de faire notamment, c'est de pousser le roleplay. Fameux roleplay. D'accord. Donc, par un simple fonctionnement, qui n'est pas forcément révolutionnaire ni rien, mais nous, on a vraiment accentué là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de caractéristiques physiques ou mentales à proprement parler. Dans les zombies stériles, il n'y a pas de force, constitution, nanana. Ouais. Il y a plutôt des avantages et des désavantages. D'accord. Et si tu n'as aucun avantage ou désavantage, c'est que ton personnage, il est dans la moyenne, on s'occupe plus de ça. On s'en fout. Il est moyennement fort, moyennement intelligent, moyennement beau. Donc, ne vous obligez pas vos joueurs à prendre des avantages et des désavantages. Non, c'est à la création. Tu choisis, si tu veux le spécifier un peu, voilà, ton personnage, tu choisis, il est fort, on gringalait, c'est qu'il aura des plus ou des moins sur ce qui implique la force. D'accord. Mais après, si tu lui prends aucun avantage ou désavantage, il est vraiment dans la courbe de Gauss, bien au milieu, tout va bien pour lui, voilà. D'accord. Par contre, il y a quand même des formes de caractéristiques, mais qui sont des caractéristiques de personnalité qu'on a appelées les voies, qui sont les grands axes de la personnalité du personnage. Ça c'est ce qui semble vraiment porter le jeu. Il est numéroté 1. Je vais laisser Valentin un peu en parler parce qu'il connaît bien le système, il l'a beaucoup joué lui aussi. Ouais. Parce que c'est vrai que pour nous, le système des voix, puis ça me permettra de continuer ma dédicace. Alors, Valentin. Effectivement, le système des voix qui distingue surtout les traits de caractère des personnages qu'on va jouer est quelque chose qui doit vraiment aider et permettre de faciliter l'interprétation de son joueur, de son personnage. Alors, il faut les prendre un par un, je pense, ces voix, ça vaudrait le coup de les décrire. Ouais, alors, t'as la voix de la combativité. Combativité. La combativité, si tu veux, c'est l'état d'esprit combatif qui peut se traduire, si tu as un haut score dans cette voie, par un trait de caractère plutôt pugnace, obstiné, volontaire, acharné, voilà, qui peut aller jusqu'à l'acharnement, effectivement. Au contraire, si tu as un score de combativité assez faible dans cette voie, tu vas avoir plutôt un caractère assez passif, pas forcément de prise d'initiative. C'est un peu un haut score, c'est 5, un bas score c'est 1. Voilà, c'est toujours numéroté de 1 de à 5. 1 à 5. Ouais. Et au début, le joueur choisit 5, 4, 3, 2, 1. Où il répartit un pool de 15 points, ça dépend. Mais de toute façon, il y a toujours une forme de déséquilibre. D'accord, alors ça c'est la combativité. Alors ça c'est pour la combativité, sachant qu'effectivement la lecture du score est quand même laissée à l'interprétation du joueur et du meneur qui s'accordent ensemble à identifier la valeur du score. Ça veut dire que 5 en combativité par rapport à son histoire, par rapport au vécu du perso et tout. Ouais. Ensuite tu vas avoir la voix de l'empathie, par exemple. L'empathie, c'est ta capacité à interagir et à réagir aux environnements qui t'entourent et aux autres, et notamment à leurs émotions, leurs sentiments, etc. À quel point est-ce que ton perso, il est perméable à tout ce qui l'entoure à ce niveau-là ? C'est-à-dire que si tu as un très haut score d'empathie, effectivement, tu vas être quelqu'un qui reçoit tout ça un peu au premier degré. Voir quelqu'un dans la misère et le désarroi, ça va te toucher, ça va te prendre au cœur, tu vas avoir les larmes qui montent, etc. C'est une forme de sensibilité qui va quand même avoir une certaine incidence dans la mesure où, à l'inverse, un faible score d'empathie, c'est traduit surtout par... une caractéristique de laisser un peu glisser les émotions et les sentiments sur soi. On n'offre pas trop de prise à tout ça et ça peut être aussi une façon de se blinder. Ouais, ça peut être un avantage alors d'avoir ça un peut être aussi un avantage, c'est-à-dire que dans tous les cas il y a pas de blanc, il y a pas de noir, c'est tout gris, c'est très nuancé, et effectivement les valeurs de score doivent être déterminées comme plus ou moins avantageuses ou désavantageuses selon effectivement l'histoire et les traits de caractère du perso. Néliane, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste dire un mot, parce que pour moi, dans le système des voix, c'est vraiment ce qui m'importe le plus, c'est le côté, et c'est pas facile à comprendre, et même en termes de système, à retranscrire, ouais. Mais qu'on ait un en combativité ou qu'on ait cinq en combativité, ouais. L'un n'est pas meilleur que l'autre. D'accord. C'est-à-dire que un en combativité, c'est aussi quelqu'un qui est calme, qui est posé, qui va réfléchir avant d'agir. Mmh. En fait, tout dépend des situations. 5 en combativité, ça va te permettre d'être pugnace, donc en combat, t'es pas fort, t'es pas musculeux, t'es juste quelqu'un qui en veut. Donc en combat, ça va te donner des avantages. Mais par contre, 5 en combativité, dans un, par exemple, climat de négociation où il va y avoir une tension nerveuse, si t'as le seigneur qui commence à t'invectiver ouais. En t'insultant, t'auras beaucoup plus de chances avec 5 de partir en vrille que ton voisin qui a 1. D'accord. Et si le joueur qui a 5, il se la joue style modéré, calme, mmh. Le meneur, il peut pousser son joueur à jouer vers le 5, il va lui demander un test de mise à l'épreuve. D'accord. Parce qu'on a estimé que le revers de la combativité, c'était la passion. D'accord. Et que la passion peut prendre le pas. Mais bon, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal de jeux. Hein. C'est la question du revers, un petit peu. D'accord. Aux choses, hein. Donc vous essayez de faire en sorte que, de toute façon, chacune de ces voix soit, lorsqu'elle est d'un bon niveau, un avantage. Et lorsqu'elle est d'un faible, peut aussi se révéler être un avantage. Voilà, ce qui est, ouais, c'est vraiment intéressant quand ouais. Tu distingues, quand tu crées ton perso, effectivement, c'est que vraiment, la lecture de ces scores de voix te permet de justifier toutes les prises de décision. Et les choix que va faire ton perso dans la mesure où ça va être vraiment en raccord avec son état d'esprit. D'accord. Quoi. Alors, donc la combativité, l'empathie. Empathie, on peut parler de la créativité. La créativité. La créativité, ça va être éventuellement ta capacité à pouvoir imaginer toutes sortes de choses. Si tu as un score de créativité qui est assez élevé, tu vas pouvoir avoir la capacité d'envisager un autre chemin que celui qu'on t'a désigné éventuellement. D'accord. De te dire voilà, si on te dit bah c'est à droite qu'il faut aller, tu vas te dire ouais. Donc mais peut-être qu'à gauche il y a quelque chose. C'est l'imagination au service d'un plan, d'une stratégie ou au service de la création d'un objet. C'est tout ça à la fois. C'est vrai que ouais. Dans les ombres des strengths, ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est un système qui laisse une libre part d'interprétation de chacun. La créativité, c'est ce que tu dis, mais c'est beaucoup de choses aussi, mais par exemple dans l'inverse de la créativité qui va être la capacité d'être original, la capacité d'imaginer de nouvelles choses. Alors que ça donne une créativité à 1, j'ai du mal à voir ça comme un avantage. En fait c'est un avantage, c'est que imagine hein, la créativité 1, c'est le bon soldat, c'est le gars qui est discipliné, c'est la discipline, c'est pas quelqu'un qui va chercher à toujours aller inventer un truc de nouveau. Parce que ceux qui ont 5 en créativité, généralement ils sont chiants, style les auteurs de jeux de rôle, tu vois, ils veulent toujours faire leur propre univers et tout ça. Non mais tu vois un peu le caractère. Mais en même temps c'est une qualité, je veux dire, c'est ce qui te pousse à créer des nouvelles choses, sinon tu fais ce qu'on te dit. Par contre, t'as un en créativité, t'as ton lieutenant qui crève en pleine bataille, t'es là, ouais, je fais quoi, je suis en galère. Donc il y a un peu cette dimension. Et la créativité, en termes vraiment de défaut, c'est ce qu'on a appelé la subversion. Et c'est vrai que tu vas être dans un système de rébellion, d'indiscipline un peu systématique. Il va falloir toujours que tu fasses le contraire de ce qu'on te dit parce que t'as toujours ton idée. Nanana. Donc bon. Ouais, d'accord. Okay. Mais après, bon, on a essayé dans le système de là, on le dit dans les grandes lignes, évidemment. Oui, bien sûr. Non, mais au contraire, je trouve que c'est intéressant parce que vous montrez aussi toutes les subtilités des voix. Alors donc, on a vu. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, on peut passer à la voie suivante. Effectivement, alors, la voie suivante, on peut évoquer la voie de la raison. La voie de la raison, Je l'aime bien. Ça. Voilà, tu l'aimes bien. Ouais. Je te laisserai intervenir. Elle est assez drôle, je te laisserai intervenir pour compléter ce que je veux dire. effectivement, la voie de la raison, c'est quelque chose qui est assez intéressant à évoquer dans la mesure où c'est quelque chose qui va se passer dans le crâne des persos. Quelle est leur capacité, finalement, leur faculté à réfléchir, à concevoir, à élaborer toutes sortes de choses, faire des calculs, plus ou moins à se prendre la tête, ouais, la mémoire, la logique, toutes sortes de choses assez cérébrales. Maintenant, si t'as un haut score de raison, ça veut dire qu'effectivement tu vas avoir une inclinaison à te poser, à bien penser, à réfléchir à ce que tu fais avant d'agir, etc., etc. Mais ça veut pas dire que ta décision au final elle va être bonne. Là, tu peux mettre 3 jours à dessiner un plan complètement pourri. Bon. Alors, c'est un peu ça l'idée. Imagine un petit peu l'ambiance. C'est que t'as ton personnage qui a 5 en raison, et c'est ce que je raconte aux joueurs pour qu'ils comprennent bien. Ouais. Mais ça veut pas dire qu'il est intelligent, parce que tu peux prendre le désavantage bête. Donc en fait, tu réfléchis beaucoup, mais t'es un peu bête. D'ailleurs, ça arrive hein, dans la vie. Il y a des gens, ils réfléchissent beaucoup, mais c'est pas pour ça qu'ils trouvent les bonnes solutions. Voilà. En fait, ce sont des gens qui calculent énormément. Maintenant, le résultat du calcul n'est pas nécessairement le bon. Non, ah bah c'est ça. Vrai que... C'est l'âne de Buridan, quoi. Celui qui va rester face à deux écuelles, une qui est pleine d'eau, une qui est pleine de bouffe, et il sait pas quoi choisir. Exactement. Et d'ailleurs, tu as bien saisi, Romaric, parce que le revers de la raison, c'est le doute. D'accord. C'est-à-dire que tu réfléchis trop et t'es toujours en train de jauger. L'anecdote aussi que je raconte là-dessus, c'est que imagine, t'es dans une forêt, t'as des bestioles qui te poursuivent, et puis devant toi, t'as un grand gouffre. Le gars qui a un en raison, c'est un spontané, il se pose pas de questions, il saute. Bon, le problème, c'est que le trou était trop grand et qu'il meurt. Mais le gars qui a 5 en raison, si son joueur il dit je saute, je dis non, tu sautes pas, tu tires un jet de mise à l'épreuve. Il faut qu'il fasse plus que son score. D'accord. Il rate, il va s'arrêter, il va se dire ah non, là, il y a que 35% de chance que j'y arrive, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, il va se faire bouffer aussi. Bon. D'accord. Les deux meurent parce qu'on est dans un jeu sombre et horrifique. Mais enfin, d'accord, ok. Donc la raison et puis le dernier. Et alors, l'idéal, la voie de l'idéal. C'est une voie un peu plus subtile dans son implication dans le jeu, dans la mesure où elle va mettre en scène la capacité des personnages à croire en quelque chose, à avoir des convictions profondes qui vont à un moment donné potentiellement être leur seul et unique salut pour ne pas sombrer dans la folie. Si ton personnage est contraint dans une situation particulièrement difficile pour lui, où il y a à peu près pas d'issue. De ce que tu me décris là, ça ressemble quand même énormément à la foi. C'est une sorte de foi. Bien sûr, Romaric. C'est assez proche de ça, dans la mesure où effectivement, à un moment donné, les persos vont être vraiment dans des situations très très complexes, dans lesquelles effectivement, il va falloir se raccrocher à des choses autres que très pragmatiquement et de manière rationnelle ce qui les entoure, parce que tout simplement, tout est en train de partir en vrille. Et donc, à ce moment-là. C'est quelque chose plus de l'esprit qui va peut-être leur permettre de surmonter un certain nombre d'épreuves. Un petit exemple pratique. Un attachement, ouais. Un petit exemple pratique. Vas-y, Nelly. En plus, j'en profite de ce podcast. Je t'en prie, Romaric, c'est un plaisir à partager. Je profite de ce podcast pour faire une réponse en lettre ouverte à certains de nos joueurs, mais que je comprends parce qu'ils nous disent les gars, l'idéal, ça sert à rien, ça implique pas dans les compétences. Et effectivement, toutes les autres, combativité, ça implique le combat, la raison, la logique, la mémoire, ça implique certaines compétences liées à tout ça. Ouais. Mais l'idéal, on a décidé sciemment que ça n'avait pas d'implication dans les compétences, si ce n'est dans celles liées aux ceux qui sont liés à la religion. Donc justement. Les gens vous le reprochent parce que finalement, n'ayant aucune conséquence sur les caracs ou les compétences après-derrière, on n'a pas trop l'intérêt de prendre cette... D'accord. Mais alors là... Moi, je vais vous faire comprendre rapidement l'intérêt. C'est que on a décidé que ça impliquait sur la santé mentale. D'accord. C'est-à-dire qu'un personnage qui a 1 en idéal, il sera beaucoup plus faible au niveau santé mentale que celui qui a 5. C'est un parti pris, c'est un choix, ça se discute ou pas. Ça se discute, ouais. En fait, l'idéal, ce qu'il faut bien savoir, ce que tu parlais de la foi, pour moi, c'est la question de la conviction. On peut croire en soi, on peut croire en Dieu, on peut croire en un code de chevalerie. Ce qui revient au même quand on. Ce qui revient au même dans le fait. Quand t'as 5 en idéal, c'est juste que quelque chose, tu crois quelque chose et tu y crois très fort. D'accord. Imaginons cette scène. Tu t'es fait capturer par un horrible magiantiste qui va appliquer sur toi quelques expériences inédites. D'accord. Bon, admettons que tu es un prêtre du temple, t'as 5 en idéal. J'en peux plus. Disons que pour toi c'est une épreuve divine, sans doute que tu l'interprètes, tu lui donnes du sens. En fait, la question c'est de donner du sens à ce qui t'arrive. C'est-à-dire que si t'as 5 en idéal et que t'es un prêtre du temple, c'est que tu connais ça, toi. Hein. Donc non, mais je pense que c'est important. La question du sens, c'est bizarre. Je connais un jeu qui s'appelle Sens, mais je sais pas trop qui c'est qui a écrit ça. Enfin, un connard. Et en gros, le prêtre du temple, il va juste dire que c'est une épreuve divine. Et je pense qu'au niveau santé mentale, ça va vraiment le soulager. Ouais, non, c'est clair. Hein. Un soldat, par exemple, qui va être là, il aura un code de chevalerie, il sait bien que le 5e amendement de son code de chevalerie, c'est tu ne pleureras pas dans quelles que soient les circonstances. Donc il se dit qu'il a appris ça toute sa vie, il va serrer les dents. Ouais. Mais un gars qui a 1 en idéal, c'est un philosophe, il prend un peu tout partout. Enfin, tu me diras, les philosophes peuvent avoir un grand idéal. Ouais, c'est. Mais si tu veux, enfin, il y a cette dimension où t'as 1 en idéal, t'es assez free dans ta tête, tu prends un peu là où t'es pas forcément accroché à une vision du monde. Mais quand tu vas être attrapé par le magiantiste qui fait sur toi des expériences bizarres, la seule chose, c'est que t'es en train de te faire torturer et que tu va crever dans quelques jours, il n'y a rien de sens à tout ça. Je veux dire en fait que le 1 en idéal signifie un certain pragmatisme et que du coup si pragmatiquement tu souffres alors que l'idéaliste voit dans sa souffrance des choses beaucoup plus profondes. Il lui donne un sens, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de lui à laquelle il peut raccrocher. C'est super intéressant cette caractéristique. Je crois que vraiment ça, on pourra en discuter pendant des heures. Elle est mal aimée et pourtant je trouve qu'elle est vraiment, elle fait partie de la moelle épinière et de la colonne vertébrale morale du personnage dans Esteren, effectivement, comme tu le dis, Nel, c'est quelque chose de très rattaché à la santé mentale, et ce à quoi vont être confrontés assez rapidement un certain nombre des personnages. Mmh. Et voilà, à un moment donné, c'est sa capacité à surmonter toutes ces épreuves psychologiquement, psychiquement, ouais. pour que effectivement, raccrochant un fil de pensée, voilà, de le mettre dans son schéma intérieur. En fait, on peut aussi se dire parallèlement que celui qui a beaucoup en idéal, c'est celui qui a une vision du monde très très bornée, exact. Très fixée, et donc du coup, dès qu'il va y avoir des événements paranormaux ou des changements dans sa vie de tous les jours et dans ses petits ordres, son petite organisation de vie, ça va totalement le perturber. Et encore exactement. Plus le faire souffrir. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Et ça, c'est par exemple, imaginons quelqu'un qui est athée, qui apprend que Dieu n'existe pas. Ouais, voilà. Bon. Il va tirer, dans les ondes d'Esteren, il va tirer un jet de résistance mentale standard, 11. Parce que quand même, ça lui fait un petit truc. Il se dit, bordel, j'y croyais un petit peu. Tu vois. Ouais. Mais bon. Le gars qui a 5 en idéal, lui, il va tirer un jet de résistance mentale très difficile. Il va à 25, je vais le faire monter. Parce que son monde s'écroule. Mmh, et d'accord. que donc, il risque fortement... Après, encore une fois, on peut interpréter cet idéal comme on le souhaite. Si on veut croire en soi... si on veut croire en soi, ça, j'insiste. C'est très important. Il y a même, tu peux être une saloperie de brigand et avoir 5 en idéal. Parce que c'est la loi du plus fort. Absolument. Et toi, l'homme est un loup pour l'homme, c'est ton truc, tu vois. Et t'y crois. Et l'autre, là, le magiantiste qui fait des opérations sur toi, tu vas voir mon pote, t'as pas intérêt à ce que je survive parce que je vais te crever, je vais te chercher. Et génération sur génération. Et donc, le gars, tu vois, il tient avec ça, il tient. D'accord, mais bon. Ok. Mais le problème, c'est que les joueurs, comme quand ils créent leur perso, ils doivent mettre un 1 quelque part, ils font l'erreur de mettre le 1 en idéal. Nélian, la passion et la combativité sans mêle et tes dédicaces n'avancent pas là. Ouais, ouais, je sais. Bon, je pose le micro, mais vraiment, tu me lances sur un sujet aussi où. Voilà. Mais en tout cas, comment est-ce que ça marche maintenant in-game, ces caractéristiques ou ces voix? Enfin, ces voix, parce que c'est plus des caractéristiques là du tout. C'est l'intention qui compte ou leur nom, c'est juste quelque chose qui détermine, qui dit au maître de jeu. Tu vas être déçu, tu vas être déçu. De quoi ? Tu vas être déçu. Pourquoi ? Parce que alors après je retourne à ma dédicace parce que sinon je vais me faire fouetter. Alors juste un mot là-dessus, après Valentin complétera s'il en a envie. Si tu veux, basiquement les voix, le score des voix s'ajoute à ton score de compétence. D'accord. Et tu dois dépasser un seuil. Par exemple, je sais pas, érudition, il y a 16 domaines dans les ondes des sirènes, c'est un système à la louche. Hein. D'accord. Il y a le domaine d'érudition, c'est la culture générale. Si t'as 5 en érudition, bah tu sais des trucs un peu sur tout. Voilà. On se prend pas la tête. Ok. Et donc si t'as 4 en raison, c'est que t'as de la bonne mémoire. Donc t'ajoutes ton 4 à ton 5, ça alors, fait 9. Ça c'est ce qui détermine les compétences. Mais tu disais tout à l'heure un truc très intéressant. Tu disais, oui, mais moi, en tant que maître de jeu, quand je vois quelqu'un qui a 5 en raison parce qu'il croit en Dieu, je vais lui fixer une difficulté supérieure. Est-ce que ça, c'est dans la base? Est-ce que c'est dans les règles du jeu ou c'est toi qui les interprètes comme ça? C'est la question du seuil de difficulté. Le seuil de difficulté d'une action, il est à définir par le meneur selon sorte de contexte qui est très, très difficile en termes de... Et donc, du coup, est-ce que vous donnez des règles pour évaluer ce contexte ou non? Il y a des exemples. Il y a quelques exemples, mais il faut quand même dire que c'est laisser une certaine libre appréciation des... Parce que meneurs. Du coup, si les voix étaient vraiment, si les voix déterminaient vraiment la difficulté, tu vois, elles auraient encore plus d'impact, encore plus d'importance. Je comprends, mais c'est vrai qu'après, alors ça, c'est aussi... Ça peut pas être quelque chose à faire, ça, pour si, un supplément. Si, sans doute. Non, mais c'est, en plus, c'est vraiment intéressant ce qu'on est en train d'évoquer là. Je pense que ça serait vraiment pertinent dans l'optique du jeu. Aujourd'hui, ce qu'on a développé simplement en termes de règles pures et dures, c'est les jets de mise à l'épreuve. C'est d'accord. très simple, hein, c'est que tu dois faire plus que ta voix avec un dé de 10. D'accord. Donc si t'as 5 en combativité, tu dois faire 6 et plus pour ne pas sombrer dans ton travers, la passion. D'accord. Maintenant, chaque voix a son truc. Mais après, là, ce que tu dis, ouais, je pense que ce serait vraiment intéressant, par exemple, notre discussion sur l'idéal, de donner ces exemples-là. Bah ouais, carrément. Mais bon, ça peut être, après, je pense que c'est aussi le plaisir de chacun. C'est pas non plus peut-être un jeu qui a pour vocation de faire réfléchir sur les enjeux moraux, c'est peut-être plus de ressentir des choses à travers la fiction, enfin, je sais pas. Franchement, chacun le joue comme il veut. Pour moi, les ombres d'Esteren, c'est un jeu d'idéologie. C'est-à-dire qu'on a de l'idéologie traditionnelle, le monde tel qu'il était avant, il faut le maintenir. On a l'idéologie monothéiste de la religion, on va dire, inspirée de la chrétienté, et on a le côté de la science. Et d'accord. pour moi, c'est un combat entre ces différentes visions vision du monde. D'accord. Mais quelque après, c'est moi de la façon actuelle, dont je joue. En fait, hein. Oui, ouais, après, c'est vrai qu'on s'est, on a puisé, mais après, chacun joue comme il veut. Là. Et ça, est-ce que le système le met en place ou non? C'est juste l'univers et les enjeux des scénarios qui mettent ça en place, cette espèce de conflit entre ces trois puissances en présence. Bon, oui, c'est surtout le scénario, la manière du meneur d'amener les choses, etc., etc. Le système, lui, il est juste là pour faire en sorte que tout se passe de la manière la plus simple, la plus évidente, la plus fluide. Mmh. Et après, clairement, les enjeux, ils sont pas traduits dans le système de jeu. Roleplay en tête, oui, voilà. Pas d'optimisation des personnages. Ouais. Le combat, enfin moi, ce qui me surprend dans l'affiche, c'est qu'au final, quand on regarde l'affiche des Ombres d'Estérène, le combat, il est au dernier plan. C'est-à-dire que c'est vraiment pas l'accent qui est mis. Je veux dire, la plupart des jeux de rôle dans le commerce ou autre, le système de résolution ne sert souvent qu'au combat. C'est 50% de l'affiche, c'est du combat. Or là, sur les Ombres d'Estérène, c'est quoi? Il y a une caractère de combat. Il y a combativité, ouais, une voix, ouais, et un caractère de combat au corps à corps. C'est quand même, on voit que l'accent est mis sur la politique, la socialisation des personnages, la société dans laquelle ils vivent. Ah oui, là, il y a un parti. De toute façon, le combat est très rapide hein, dans les Ombres d'Estérène, et c'est aussi le côté mortel qui vient soutenir le côté horreur. C'est-à-dire que comme les joueurs, et encore hier soir, on en a vu une traduction, ouais, parce qu'on a joué, tout simplement, il n'y a aucun combat pendant toute la partie. Mmh. À la fin, il y a un combat, mais le combat, il est ultra violent. En 2-3 rounds, si on parle comme ça, les gars, ils sont explosés. Mais en même temps, se battre avec un type avec une hache d'arme au corps à corps... Tout ça pour augmenter encore cette tension et cette peur des ombres. Ouais, ça participe à la tension et à la pression. La fragilité de l'être humain. Effectivement, d'insister sur le caractère fragile des individus qui sont incarnés dans les Ombres d'Estérène, où effectivement, faut pas négliger toute la partie psychologique et mentale qui peut les renforcer ou les affaiblir, et que finalement, la partie purement, strictement physique d'une traduction voilà de combat à l'épée ou d'autres styles d'armes, c'est des résolutions assez expéditives où finalement à peu de choses près tout le monde se vaut quoi hein. D'accord. Alors s'il y avait qu'une seule chose à garder entre guillemets des Ombres d'Estérène, Valentin, qu'est-ce que tu préfères dans cet univers? Pas une seule chose, mais disons un aspect de l'univers des Ombres d'Estérène qui te fait le plus triper. Pas facile. C'est difficile, ouais. C'est tout, c'est l'ensemble qui, c'est la cohérence de l'univers en général qui te fait. C'est quelque chose dont je. Tu avais l'air d'insister beaucoup sur la magie quand on en a parlé. Non, parce que pas spécifiquement. C'est quelque chose qui est facile à mettre en scène parce que c'est assez évident. Il y a une traduction esthétique et graphique qui accroche bien et voilà. Maintenant, je pense que les subtilités des Démortels et du Temple sont absolument au même niveau en termes de qualitatif pour moi et d'intérêt de jeu. Après, moi, ce qui me fait profondément triper dans les Ombres d'Estérène, c'est hélas quelque chose que je ne peux révéler. D'accord, ok. Là, il est dur, là. Hein. Franchement, mais je cautionne. Ok, d'accord. Bon, alors je vais pas vous poser ces questions à la con. Par contre, je vais vous poser des questions sur la gamme. Qu'est-ce qui va suivre là? Qu'est-ce que vous nous présentez aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe pour la gamme d'Estérène? L'avenir, alors, l'état des lieux. À l'heure d'aujourd'hui, la gamme des Ombres d'Estérène, c'est le livre 1. Pardon. Qu'est-ce qu'on trouve dans le livre 1? Le livre 1, c'est tout le background, l'univers et les systèmes de jeu, création de perso, etc. Ok. C'est la base. Voilà. On a ensuite un deuxième livre qui s'intitule Voyage, qui propose forcément un voyage à travers toute la cartographie des Ombres d'Estérène. Voyage dans l'espace des Ombres d'Estérène. Non mais là on vient de révéler une inspiration qu'on n'aurait jamais dû. C'est ça qui veut garder des Ombres d'Estérène et qui veut pas dire. C'est le côté gothique. Ça. Donc en fait voilà, le premier album de Delphine Bois fera suite à un best-of. Jingle. Ah oui, super ça. Justement, on va en parler dans la gamme. Donc voilà, effectivement. Donc juste pour terminer sur le livre Voyage, soyons sérieux deux secondes. Il y a effectivement donc toute une cartographie développée. Il y a l'écran évidemment. Il y a une carte format A2 qui répond à tous les textes sur cette cartographie dans le livret. D'accord. Il y a des scénarios. Il y a une galerie de personnages et un échantillon du bestiaire. Ok. Ensuite de ça, il y a donc là qui est déjà paru l'album de la musique du jeu, donc interprété, composé et enregistré par Delphine Bois, qui est intégré aujourd'hui complètement à l'équipe de Forge Songe, et dont j'espère que ce n'est que le premier témoignage en musique de ce que sont les Ombres d'Estérène. On espère bien pouvoir en faire d'autres. Dans ce qui arrive. il y a tout d'abord un prochain supplément qui s'appelle Le Monastère de Thuas, avec lequel sera édité l'album de musique. D'accord. D'accord. Et les deux vont être packagés ensemble, c'est un peu l'idée. Sachant que la musique n'est pas forcément strictement liée à ce supplément, qui est un gros scénario. Mmh. C'est une sorte de huis clos monastique qui va mettre les personnages en confrontation. Le nom de la rose en référence principale. Le nom de la rose en référence. Ouais, exactement. D'accord. Et ce qui est intéressant, moi, c'est un supplément qui me plaît beaucoup, justement. Tu évoquais la facilité d'évoquer la magie, et là, justement, on va pouvoir parler du temple. D'accord. Et ça me plaît beaucoup parce que c'est quelque chose, moi, qui me tient très à cœur, c'est que on va pouvoir ici entrer un peu dans les coulisses de la vie monastique dans les ombres d'Estérène et de voir qu'en fait qui sont les gens qui peuplent ces monastères, comment ils sont organisés, comment est structurée la vie dans un monastère du temple. Mmh. Et surtout à l'occasion d'événements bizarres qui s'y passent. Et donc ça va être une grosse investigation, grosse enquête avec une galerie de personnages très développée, beaucoup de dettes de jeu, enfin bon, ça va être vraiment un gros scénario qui devrait je pense apporter beaucoup et revaloriser vraiment d'une certaine façon les adeptes du temple et la structuration du temple, et ça, moi, je trouve ça très bien. Ok. Ensuite de ça, va arriver assez rapidement dans le courant de l'été le premier chapitre de la campagne. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est pareil, ça va être un gros scénario, voilà, bien charpenté, puisque donc c'est l'amorce de la campagne officielle des Ombres d'Estérène. D'accord. Ouais. Et qui donc précédera pour cet hiver les publications suivantes, dont il est difficile vraiment encore de parler. On y travaille. Il y a effectivement chez Forge Songe aujourd'hui la team Estérène est à 400% sur tous ces suppléments, travaillant parfois même de manière parallèle et simultanée sur plusieurs ouvrages en même temps. D'accord. Ça avance bien. Pour l'instant, c'est difficile de dire au-delà du mois de septembre exactement ce qui va y avoir. Okay. Mais il y aura des choses, c'est sûr et certain. Voilà, de façon plus assez diverse d'ailleurs. De toute façon, il y a des chances pour que je vous revoie un de ces quatre pour qu'on puisse ensemble parler dans un autre podcast, je pense, de Forge Songe et de ses ambitions et de ses intentions. J'aime bien, Néliane, tu voulais dire quelque chose ? Non, mais avec plaisir, oui, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que derrière les Ombres d'Estérène, c'est le collectif d'auteurs et d'illustrateurs associatifs Forge Songe. Mais c'est vrai que pour l'instant, Forge Songe, c'est surtout les Ombres d'Estérène, pour le moment, bien sûr. Et puis, y a pour le projets. Moment, et c'est aussi le concours des demi-anges en herbe, mais c'est vrai que ce collectif s'est illustré sur ce jeu, et là, je travaille actuellement sur d'autres jeux. Je pense que d'ici quelques mois déjà, ou même années, enfin au bout d'un an, Forge Songe fera l'objet d'un podcast à lui tout seul, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Bah oui, l'actualité chez Forge Songe va augmenter d'ici la fin de l'année de manière sensible. Donc j'aime bien finir en général mes podcasts avec des auteurs et des éditeurs de jeux par cette question. Encore une question à la con. Non, c'est pas une question à la con, mais comment est-ce que vous non. comment est-ce que vous estimez le monde rôliste aujourd'hui? Est-ce que vous trouvez qu'il est renaissant? Est-ce que pour vous éditeur vous y retrouvez, ou comment ça se passe à ce niveau-là? Je vais te répondre donc. Qu'est-ce que vous en pensez? En ma qualité d'éditeur des Ombres d'Estérène. Donc Agathe, c'est ça? Agathe RPG, d'accord. Mon point de vue et mon sentiment aujourd'hui, moi, sur le jeu de rôle et la pratique de ce loisir, il est assez enthousiaste. D'accord. Assez optimiste, dans la mesure où je trouve que c'est un milieu très dynamique, très vivant, dans lequel il se passe énormément de choses. Ce qui me plaît au-delà de ça, c'est que c'est un média, le jeu de rôle, qui implique une présence, une vraie participation. On est quand même dans une époque et une société où tout se dématérialise. Ouais. Où les interfaces nous éloignent de plus en plus les uns des autres. D'accord. Et ce que je trouve extraordinaire avec le jeu de rôle, c'est de prendre le contre-pied total de cette tendance. C'est de dire, voilà les gars, vous avez un bouquin. Et si tu l'ouvres pas, si tu le lis pas, si tu écris pas déjà, des histoires, et si tu les fais pas jouer avec tes potes, et il se passe rien. Ouais. Et ça, c'est quelque chose moi qui me plaît beaucoup, et de constater que moi, c'est mon point de vue à travers les ombres d'Esteren, mais je pense que voilà, c'est quand même quelque chose aussi quand même d'assez global sur un certain nombre de jeux. Il y a vraiment un vrai dynamisme, quelque chose où on sent une demande, une attente, une envie de la part des communautés rôlistes de découvrir de nouveaux univers, de se lancer dans des nouveaux challenges, des nouvelles aventures. Et c'est vrai que en tant qu'éditeur, c'est un vrai plaisir que d'y participer et de. Donc toi, tu dirais le jeu de rôle. C'est une goutte d'activité et d'imagination dans un monde de passivité et Voilà, on a tendance aujourd'hui à tout recevoir déjà pré-mâché, préconçu, déjà réfléchi à votre place, on vous dit ce qui est bien, on vous dit ce qui est pas bien. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie démarche d'impliquer les joueurs, meneurs et joueurs confondus, et de leur dire, nous, on a préparé quelque chose, et qu'est-ce que vous allez faire de ça? Et ce que ça va devenir, c'est ce que vous allez en faire. Et c'est quelque chose, moi, qui me semble très intéressant dans une époque où, en particulier, le jeu vidéo explose totalement. Ouais. Le jeu vidéo, ce qui est intéressant, c'est que on vous donne l'impression que vous allez pouvoir faire des choix, que vous allez avoir effectivement un rôle à jouer. C'est-à-dire, ouais, je peux aller à droite ou je peux aller à gauche, ouais. Je peux sauter, je peux tirer. Je trouve ça illusionniste. Mais en fait, c'est totalement faux. D'une certaine manière, de toute façon, la seule chose que vous pouvez faire pour contrarier un petit peu ce que les éditeurs du jeu vidéo auraient décidé à votre place, c'est de poser la manette et de pas jouer. Et là, ouais, évidemment, vous déconstruisez aussi le process. Par contre, si vous voulez jouer, à un moment donné, vous allez vous apercevoir que dans la plupart des jeux, le chemin est tout tracé. Ça dépend vraiment des jeux. Aujourd'hui, il y a quand même un développement des jeux bac à sable. Tu prends des jeux comme Fallout. T'as quand même. J'ai joué à tous ces jeux. Je les ai tous finis. Et évidemment, j'y ai pris énormément de plaisir parce qu'effectivement, ils repoussent les limites du jeu vidéo très très loin. Et c'est très ambitieux de leur part. Et vraiment, c'est des démarches à saluer. Mais c'est clairement pas la tendance. D'accord. Des jeux comme cela, t'en as 3 à 4 sur la masse de jeux produits à l'année, c'est vraiment une infime partie. Parce qu'ils sont énormes, enfin en termes de coûts de production. C'est énorme à produire, c'est quelque chose de totalement surdimensionné. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut réussir plus ou moins le même résultat et finalement le même rendu avec le jeu de rôle à des coûts moindres. Et quelque part, moi la frustration que j'ai, je vais te dire, en jouant à des jeux comme Elder Scrolls, Fallout et toutes ces gammes de jeux vidéo, c'est que je suis tout seul derrière mon écran. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, t'as des multijoueurs aussi. Il y a aussi des jeux multijoueurs, mais c'est pas pareil. Je suis quand même derrière mon écran. Et ce qui me fait délirer, moi, avec le jeu de rôle, c'est que, à un moment donné, t'as des gens autour de la table avec lesquels vraiment tu peux interagir, vivre quelque chose, et où la part de l'imprévu et de l'instinct et de l'improvisation peut vraiment, jouer son rôle aussi. Un truc aussi qui me fascine, moi, par rapport au jeu de rôle vis-à-vis du jeu vidéo, c'est que dans le jeu de rôle, chacun imagine des choses différentes. Tu vois ce que je veux dire? Alors c'est que, ça qui est fantastique. Et pourtant, on interagit tous le ensemble. Meneur, alors que dans le jeu vidéo, tout le monde voit la même image. Tout le monde, c'est normalisé, c'est formaté, c'est totalement homogène. Que tu joues à Pékin ou que tu joues à Los Angeles, le jeu est le même et tout le monde voit les mêmes images. Ce qui est génial dans les ombres d'Esteren, c'est que là, tous les meneurs qui font jouer les ombres d'Esteren à leur table, chacun vit des aventures et imagine des choses totalement différentes. Dans des mondes un petit peu différents. D'une table à l'autre, moi, je trouve ça délirant. Il y a au zapping, l'autre jour, j'entendais un gars qui disait, aujourd'hui, ce qui nous menace, c'est moins le clonage humain que le clonage des esprits, parce qu'on voit tous les mêmes images, on est tous face au même programme, etc., etc. Clairement, après, on peut. Et là, le jeu de rôle est une solution. Oui, on est tous des gros passionnés, je pense, de jeu de rôle, et moi aussi, je suis. Enfin, j'aime bien en faire l'apologie à ce niveau-là. D'accord. Mais il faut quand même dire que on est à contre-courant total. Enfin, faut quand même être assez fou pour faire des livres où tu dis aux gens qu'ils vont devoir s'empiffrer un livre de 300 pages. En plus de ça, ils ont du boulot derrière. Et en plus de ça, ils vont devoir effectivement rassembler des gens. Enfin, c'est vraiment une galère. Ouais. Et qu'aujourd'hui, le prêt à consommer, qui est aussi une... enfin, par ailleurs, quelque chose comme le cinéma où on propose une histoire, comme tu disais. Moi aussi, ça m'avait fait triper, cette idée-là, qu'autour de la table, il y a une sorte d'unité, pas une unité de lieu, une unité de temps, mais une sorte d'unité d'imaginaire tenue par le meneur. C'est-à-dire que tout le monde imagine là, une chose différente, mais le fait qu'on vive la même histoire, il se passe un truc qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que là, l'histoire tient. Alors que ce qui serait étonnant, c'est d'avoir un écran splitté avec ce que chacun, la scène qu'il imagine. Qu'il imagine, ça serait génial. Ça, et ouais, ça serait, ouais, à mon avis, ouais, assez délirant, parce que tu verrais des choses qui n'ont rien à voir. Et en fait, complètement incohérent, mais ça tient quand même. Ça tient quand même. Ouais, donc, c'est assez magique là-dessus. Ouais, hein, rien à dire. On est quand même dans quelque chose où. Ou pour moi, de toute façon, le jeu de rôle, c'est une activité et c'est quelque chose qui est avant-gardiste encore aujourd'hui. C'est-à-dire encore aujourd'hui. Ouais, moi je pense, parce que c'est quelque chose en fait qui est assez jeune, conceptualisé finalement assez jeune, même si c'est issu de toutes sortes de médias. Mais dans les faits, historiquement, c'est quand même une activité assez assez avant-gardiste qui est en dehors, à contre-courant total. C'est pour ça, d'ailleurs, que les éditeurs de jeux de rôle, faut vraiment être fou. Valentin doit avoir un grain bien. Oh oui, bah lui, il a un grain complet. Non, mais franchement, je pense hier, que. Hier, ça s'est bien vu sur le stand. Et... Ouais, une machine. Bah, non, ça. La passion. Est-ce que, justement, tu vois, c'est étonnant. Est-ce que c'est une machine ou est-ce que. C'est ça l'idée. Bah, c'est oui. Que la passion. Non, mais tu vois, c'est étonnant parce que justement, on devient un peu une énergie inépuisable comme si. Et quand je dis une machine, c'est ça, une énergie inépuisable. Ouais, mais en fait, c'est intéressant. Non, mais en même temps. Moi, qui est une expérience magiantiste. Je fais ma piqûre de tonifiant tous les matins. Moi aussi, je m'interroge. Un peu. Mais moi-même, je m'interroge sur ma nature. Enfin bon, non, mais on pourrait en parler longtemps, mais le jeu de rôle, je pense qu'il y a des choses à défendre. Et effectivement, rien que le fait que tu te retrouves autour d'une table et que chacun, dans son individualité, imagine une histoire et qu'il y a quand même une action de groupe, il y a quand même là quelque chose qui est assez rare. C'est quelque chose d'intime qui est partagé en fait par une communauté. Et tu le retrouves pas, c'est assez exceptionnel. Tu le retrouves confident, quoi. Ouais, et c'est ça, c'est à la fois intime et collectif. Ouais, Et c'est quelque chose que tu retrouves un peu avec le cinéma, par exemple, quand tu vas voir ton film au cinéma, tu vois ton film. T'as ta propre lecture de ce que tu vois à l'écran, etc. Mais en même temps, t'es là collectivement avec tous les autres qui sont dans la salle avec toi. Et quelque part, il arrive que les réactions de la salle influencent tes propres réactions. Et là, ce qui est intéressant dans le jeu de rôle, c'est un peu la même chose. C'est qu'à un moment donné, le joueur qui est à côté de toi, qui va réagir d'une certaine manière à une certaine situation, va éventuellement t'influencer toi-même dans ta propre lecture de la situation. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un média de l'interaction. De l'échange. Voilà, c'est un média de l'échange, c'est un média du discours, du dialogue. Et moi, je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'absolument essentiel et décisif. Aujourd'hui, dans la société, tu le trouves important? Tu trouves qu'il prend un essor? Essentiel. Mais essentiel. Parce que si tu regardes bien aujourd'hui, nos parcours sont quand même de plus en plus ultra formatés. Et on ne te laisse pas le choix d'improviser, etc. On brise ta créativité d'une certaine manière. On la bride, tout du moins. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant avec un média comme le jeu de rôle, c'est surtout lâcher la bride, les gars. Allez-y, quoi. Et si nous, modestement, on peut contribuer à ça, effectivement, bah, c'est notre plus grand bonheur. Moi, aujourd'hui, je constate une chose à travers les Steren Tours, de se déplacer comme ça dans les boutiques, dans les salons, les conventions, les festivals. Ouais. C'est quoi ? C'est de voir les gens. Ouais. C'est de voir qu'effectivement, quand on est là derrière notre table, à gratter du papier, à discuter, à refaire le monde, faire des dédicaces, à faire des dédicaces, voilà. Ouais, ouais, j'y suis là. Voilà. Allez, courage. Hein. Allez, courage. Surtout, ce qui est génial, c'est de dire aujourd'hui on est à Caen, l'autre jour on était à Rennes, bientôt on sera à Rouen, on était à Cannes, on a fait. Enfin bref, qu'importe l'endroit où on est, si tu veux, on a en face de nous des gens, des individus, on sait pas trop qui c'est. Hein. Ils ont leurs histoires, leurs aventures, leur parcours. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui les rassemble, quelque chose qui fait que ils se retrouvent là, dans ces salons, ces conventions, à faire des parties jusqu'au bout de la nuit, à s'imaginer des trucs, à créer des univers et des mondes parallèles. Et à un moment donné, le dénominateur commun de toute cette profusion d'imaginaires, c'est que ils passent du temps ensemble. Ensemble, ouais. Voilà, parce que ça peut être du futuriste, du médiéval, du western, quel que soit le contexte et l'univers, les images, si tu veux, qu'on va fabriquer, il y a un truc qui change pas, c'est qu'il y a un meneur et des joueurs. Et que c'est des gens qui, à un moment donné, ont choisi... Quoique, j'en connais certains qui veulent faire sauter le meneur. Hein. Non, c'est pas... Il y a déjà des jeux qui existent dans lesquels le meneur de jeu n'existe pas, lui, par contre. ça existe déjà. Il y a des jeux d'anarchistes qui sont développés sur la forge... Hein, allez, vous avez encore bien du boulot, les gars. Hein, allez. Au niveau des dédicaces et tout ça, là, peut-être, mais au niveau aussi de la connaissance des jeux de rôle, il y a effectivement des jeux sans MJ déjà. Et il y a des jeux sans joueurs aussi. Ah bon? Ouais. non. Donc le jeu joue tout seul avec lui-même. Je pense que le prochain bouquin qu'on va faire, c'est un livre vierge. Regarde Sweet Agatha par exemple, c'est le premier jeu de la boîte à eux. Bah, dans Sweet Agatha, tu joues tout seul face à ton bouquin. C'est un bouquin qui t'invite à créer ton histoire tout seul. Là, ça devient limite, si tu veux. On peut même se poser la question de savoir si c'est un jeu ou pas. Oui, enfin, la première chose à laquelle je pense quand tu me dis ça, c'est bien sûr les livres dont vous êtes le héros, hein, où quand même tu construis une histoire interactive. C'est vrai. Mais bon, l'histoire est déjà écrite, c'est un petit peu comme dans un jeu vidéo, mais en texte. Ouais, tout à fait. Encore une fois, le débat, il est pas là, les gars. Hein. On a déjà fait un podcast là-dessus, en plus, sur Sweet Agatha. Bon, allez, on va laisser nos auditeurs. Je pense qu'on a déjà passé pas mal de temps ensemble. Merci à toi, Romaric. De rien. Ça me fait vraiment très plaisir de vous accueillir ici et de vous entendre parler passionnément de jeux de rôle. Maintenant, il faudra qu'on joue ensemble, hein, parce que c'est ça qu'on se disait aussi. On peut pas jouer ensemble pendant les conventions, c'est ça qui est rageant. C'est un appel, un appel aux orgas. On aimerait organiser une convention où tous les auteurs sont les joueurs. Mais comme tous les joueurs sont un petit peu auteurs aussi, c'est problématique. Ça me paraît pas mal, ça. On ferait une inversion. Tu fais le salon négatif, c'est-à-dire que c'est les joueurs qui tiennent les stands. Et les auteurs et les meneurs qui font les parties. Ah, je serais assez énorme. Je trouve ça assez drôle. Dans le jeu de rôle, il y a plus de créateurs de jeux que de joueurs, hein, de ce que j'ai entendu dire. Hein, mais après, ça se discute. Hein. Bon, allez, on va peut-être pas monopoliser l'antenne. Hein. Non, mais de toute façon, il n'y a pas d'antenne. Tu l'écoutes quand tu veux, ce truc, donc ça va. Allez, à bientôt, tout le monde. Salut à tous. Bonne continuation. Longue vie aux ondes d'Estérène. À bientôt. Bye. À bientôt.